Unité 6. Page d'ouverture. Page 113. Activité 2 et 3. Piste 101. Regarde, c'est mon école. Oh, ce n'est pas loin de chez toi. Oui. Je vais souvent à l'école à pied. Et toi, comment tu vas à l'école? Ma mère m'amène en voiture. On habite loin.